consacre à la place du maître. Je m'y perds, cherche pas à tester. Mon flow est astéroïde dans les ondes. Et morceau de plus, et me voilà sponsor de deux prochains albums. Viens, approche le succès sans trop sucer. La fierté t'a délaissé comme ta meuf. Vise loin comme une fusée. Aucun obstacle peut me stopper. La peine est limite qu'au bout du succès. Trop longtemps endormi, je me suis fait oublier. Mon réveil a tout paralysé. Aucun album dans les bagues, j'ai toujours volé. Le flow magique à travers ma gorge. J'écris sans tricher, je rappe sans coup de pied. Je chante pour ceux qui sont déterminés à avancer. Comme une étoile, je rêve de briller. Toucher des billets. C'est pour ceux qui veulent un bon taf. On réjouit pas les rembats avec l'argent de la pitra. Génération des terres. Tu veux devenir trompas? Reste ambitieux, même si tout le monde en bas. Génération des terres. Génération des terres. Génération des terres, génération des terres. J'ai le feu qu'il faut pour baiser tous mes rivaux. Combat des blabla et me compare pas à tous ces mythos. Ce son c'est du haut niveau. Haut niveau, haut niveau, bas mouigne, la la jalousie, ma famille KO. Malgré les coups, là je suis toujours hal. Je ramène du rap sale pour ceux qui causent mal dans le dos. Génération des terres à faire du cash. Pendant que les haineux se cachent, je place mes repères pour pas me perdre dans ce milieu de rageux. Trop d'envieux. Forcément je traîne qu'avec ceux qui sont précieux à mes yeux. Et sache que je me représente moi-même avant de représenter qui que ce soit. Je m'inspire de moi-même avant de m'inspirer de qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est pour ceux qui veulent un bon taf. On réjouit pas les rembats avec l'argent de la pitra. Génération des terres. Tu veux devenir trompas? Reste ambitieux, même si tout le monde en bas. Génération des terres. Génération des terres. Génération des terres. Génération des terres. Génération des terres, approchez les frontières. Génération des terres. On veut quitter la vie, s'éloigner du terre-terre. Ici c'est l'enfer. On peut plus voir tomber le frère. Les larmes sur les genoux de nos mères. Nous dans la vie de réussir, de réussir. C'est pour ceux qui veulent un bon taf. On réjouit pas les rembats avec l'argent de la pitra. Génération des terres. Tu veux devenir trompas? Reste ambitieux, même si tout le monde en bas. Génération des terres. Génération des terres. Génération des terres. Génération des terres. Génération des terres. Reste ambitieux. Génération des terres. Génération des terres. Génération des terres. Génération des terres.